Ouais, alors Paulin, qu'est-ce que tu t'attends de ce film ? De la bagarre ! Ah ? Que de la bagarre ! La grosse bagarre avec des viands. Je sais même pas si on va faire ça. La bagarre ! Le sujet, c'est Top Gun. Je dis qu'il y a de la bagarre avec des avions, sinon ça se paraît. Ça sert à quoi de faire Top Gun ? Ah, moi, je pensais qu'il faisait pas la bagarre. Je pensais qu'il faisait juste. Il fait du simulateur de vol. Non, mais là, il peut plus qu'il explique la vie, tu vois, aux jeunes. C'est le film qui pète tout. En fait, le mec, il passe là, 2 heures dans un simulateur. Fait, wow, avec des vieux pixels. Wow. Bonne crise là. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour. Bonjour Paula. Bonjour Serena. Ça va? Bah ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Eh ben, on se dirige vers le cinéma Gaumont. De Gaumont Wilson. Gaumont Wilson. Mais de Toulouse. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va voir l'avant-première de Top Gun Maverick. Il est bien aimé. Il est bien aimé, bah, j'espère. Mais alors Serena, pourquoi est-ce que tu boites? Eh ben, parce que je me suis entorsée aux chevilles. Mais comment t'as fait ça? En marchant sur un aspirateur. C'est bête. Tentative de cascade ratée. Ouais, voilà. Oh, c'est triste. Wow. Bref. Mais on va voir Top Gun, on est content. Oui, trop bien. Sur du coup, un super fauteuil, avec un super son. Avec un son de bâtard. Alors, qu'est-ce que tu t'attends de ce film? Ben, de la bagarre. Mais moi, je la bagarre des gros avions. Mais si, il y a de la bagarre, c'est sûr. Moi, je suis pas sûr, tu vois. Pourquoi il n'y aurait pas de bagarre? Parce que tu crois qu'il est rangé et tout. Moi, je pense que ça, l'axe principal que les gens ne veulent pas voir, c'est la relation maître-élève. Et oui, parce qu'il est instructeur, normalement. Ben oui. Et que du coup, ce sera le rapport avec les jeunes et la sagesse. C'est pas la bagarre. La bagarre, on s'en fout. C'est la transmission. Mais moi, c'est je ça pense. Qui est beau. Et je sais pas, et je pense qu'il y aura très peu de bagarres très vite. Ah ouais. Bah, je sais non. pas. Ah, très, ouais. Peut-être ce genre, il y a une scène finale. Oui, voilà. De grosses bagarres. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y aura Val Kilmer? Écoute, alors je dis rien parce que je me suis fait spoiler. Tu sais? Je sais si il y en a ou pas. Je sais pas. Mais je voulais pas, je me suis fait avoir. J'espère. Parce qu'il est pas en bon état. Il est très malade. Ah oui? Ouais. Ah merde, alors il est handicapé. Pas là. Ouais. Handicapé? Ouais. Ah merde. Génial. Bref. Il y aura au moins un hommage. Bah j'espère. Le minimum quand même. Bah j'espère. Et la gouze. Et Gouze. Mais non. Il est mort depuis longtemps. Oui, mais tu peux avoir un hommage à Gouze. Oui, c'est vrai. C'était quand même son meilleur ami. Bah, ils vont en parler, forcément. Ah, oui, forcément. Ils vont en parler. Ou peut-être il y aura sa femme. La femme de Les enfants aussi. qui ont grandi. Les enfants de Gouze. C'est les nouveaux. C'est les nouveaux Gouze. Top Gun enfants. Il faut qu'ils font un remake avec les enfants de Gouze et Maverick. Ah, ça génial. Ça pourrait être possible. Et est-ce qu'il est encore. La meuf. Non, la meuf, c'est. La meuf, elle y est pas. Elle y est pas. J'ai vu le casting, elle y est pas, c'est mort. Ah, c'est mort. Bon. On va voir. On sait pas du tout à quoi s'attendre en fait. Non, pas du tout. Même moi, j'ai même pas regardé la bande-annonce. Mais moi, je l'ai vu la dernière fois, j'étais au cinéma. T'as vu la bande-annonce? Mais oui. Parce qu'en fait, j'étais au cinéma, on a fait tout pourri. Et puis, juste avant le truc, on regarde. Et là, tout d'un coup, il y a une bande-annonce qui démarre avec un avion qui fend le désert. Ah, je me suis dressé comme ça sur le siège, j'étais comme un fou, je trépignais. Et il y avait Marie Cotet qui fait calme-toi, ça va bien se passer. Et voilà, et du coup j'ai vu la bande-annonce. Ah, donc non, j'ai vu un peu des choses. Tu sais un peu, alors. Mais bon, c'est obligé. Il y a des, enfin, en tout cas, je sais pas si c'est de la bagarre, mais il y a des moments d'avion. Mais c'est normal. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il peut pas faire ça sans avion. Sinon, ça sert à rien de faire Top Gun. C'est nul. Oh, on a fait Top Gun, en fait, il fait une petite bataille navale. Il joue au solitaire sur son ordinateur. Il est plus épouse. Voilà, il est tranquille. En fait, il a pris sa retraite très très vite. Il est dans le Vermont. Ce serait con. Ok. Ah, on a perdu le micro. Ah. Je remets le micro. C'est bon. On va retourner le micro. Ouais, c'est complètement improvisé. Bon, bref. On verra bien. Beaucoup d'attentes. On aura des collègues avec nous. Oui, on a des copains du podcast. On a les gens qui subissent le podcast depuis longtemps. Les pauvres. Les pauvres. Ah, enfin non, Romaric, il est chaud. Et Romaric, il est trop content. Romaric, il a mis son t-shirt. Mais Boris aussi, il va mettre son t-shirt. Ah ouais, putain, mais en fait, Boris, il est en train de trop virer, oui, quoi. Oui, oui. Il a même défendu Tom Cruise à une soirée. Il a dit, attends, il est beau, c'est comédien. Oui, ah, carrément. Ah, il a vrillé complètement. Ben voilà, ça y est, on a une preuve de comme quoi on peut devenir un cruisiste. On un peut cruiser, devenir... Un cruisette, un cruiseur. Un cruiseur. Un cruiseur. Bref, beaucoup d'attentes. J'espère que ce sera bien. Ce sera forcément bien. J'espère ça fait... un peu des larmes. Ça fait... Moi, j'espère un peu des larmes. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu Tom Cruise sur une grosse salle de cinéma. Donc forcément, ce sera rien que ça fait plaisir. Moi, j'espère un peu des larmes. J'espère un peu de cascade de ouf. Ouais. J'espère un peu de des rigolades. Un peu de sourire avec le oui, clin d'œil, voilà. Normal. Un peu de yeux de biche. Quelques clins d'œil au premier. Voilà, et des clins d'œil. Et des clins d'œil. Oui, mais Goose, j'espère. Ouais, ouais, Goose, j'espère ouais, un peu. À Goose dans nos cœurs. Genre une photo, ouais, photo dans l'école. Ouais, ouais. Genre sur son bureau, il a la photo de Goose. Voilà, c'est ça. Ce serait bon, ça. Exact. Par là ouais. Ouais, c'est kiff. Ouais. On va peut-être moins galérer. Voilà, trottoir. Ce que j'espère. Pas trop de trucs, trop bagarre quand même. Pas trop bagarre, ah ouais. Bah, j'ai un peu peur des ennemis, c'est qui les ennemis. Ouais, mais les ennemis on les verra pas. Moi j'ai toujours cette théorie qu'on les verra pas. J'espère. Ça va faire comme le premier, ça sert à rien de les voir, ouais, suggérer, oui, voilà. Et voilà. Si c'est ça, c'est très bien pensé. Comme ça au moins on peut tirer sur des trucs, tuer des gens sans que ça soit trop un problème. Ouais, c'est pas politiquement en fait, incorrect. Tous, finalement, c'est juste des gros bouts de métal. C'est pas très grave. Des jets. Je sais pas quoi. Des rafales. Non, c'est pas des rafales. Des MIG. Des MIG. C'est des MIG. C'est des MIG, bien sûr. Ok. Ouais, on va voir. On va voir. Suspense. Pour l'instant, on est excitax. Ah, mais grave. Et du grave. Coup, on reprendra le micro après. Pour voir si c'est la déception totale. Au pire, on va boire des coups. Genre, oui, on sera voilà, quoi qu'il arrive joyeux. Va. Parce qu'on va boire ça des va. Coups. On a mangé des popcorn, on va boire des coups et voilà. Et voilà. La vie est belle. Merci Tom. Ah, merci Tom. Eh ben t'as les Romaric, temps de... Oui. Est-ce que tu attends ce film? Ah. T'es enregistré, hein? Oui. Vas-y. Moi... Tu veux de la bagarre ou pas? Oh là là, je vais en prendre plein les yeux. Déjà... Tu veux plein les yeux? Je commence déjà à en prendre plein les yeux, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Oh là là. Mais j'aimerais bien sortir un peu dans le même état que toi, tu vois. Tu as un béquille. Ouais. Handicapé. Genre tellement j'en ai pris quoi dessus. Ah oui, grave. Fourbu de partout. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Tu ouais. Veux des j'ai fait l'effort de ne pas aussi de ne pas regarder de bande annonce. Voilà. Moi aussi j'ai vu. Mais bon voilà. Du coup après j'ai essayé de vraiment de pas replonger dans le premier pour vraiment prendre que de la fraîcheur quoi. Ouais, voilà. Et t'as pas du tout vu les premiers dernièrement, du coup, toi. Non, voilà, c'est ça. Ah, et j'ai failli, et puis je me suis dit, non, allez, prends vraiment le film pour le film. S'il faut, il y aura des. Tu vois, et ça va me rappeler des trucs et ce sera trop chouette. Et sinon, bah, le film tout seul, ce sera aussi ça déjà. Moi, j'aime bien aussi quand la suite, entre guillemets, se suffit à elle-même. C'est bon. Et que tu vois, du coup, tu peux le mater comme ça et c'est déjà un super film. Adieu, comment ça va? Allô, Boris. Hello, how are you? American style today? Yes, today, of course. Yes. Comment ça va? Qu'est-ce que tu t'attends de ces films? Top Gun, toi. How to say? Full of explosion. And, Ah, il veut de la bagarre, lui. Yes, ouais, il veut de la bagarre. Action. Mais enfin, c'est on a un débat. On a un débat sur bagarre ou pas bagarre. And big fighting. Ah, c'est. Big airplane. Il veut de la fighting. Fighting et il veut bagarre. Moi, je veux pas trop de bagarre. C'est bagarre. Ah non, moi, je veux pas. Serena, hein, Serena veut de l'amour plus que de la moi, bagarre. Je veux... Moi, non, je veux. Non, pas de l'amour. Moi, je veux maître élève. Tu vois, je veux une relation comme ça de maître élève. C'est un peu chiant, tu vois. Ou c'est un peu touchant, mais qu'il apprend des trucs des ouf. Avec sa craie sur son tableau. Non, mais. Ça, tu vois, ça, c'est un MIG. Alors, moi, en 1980, je les prenais pas. Il la va gauche. Se rendre ah, compte. Sympa, non, moi je pense. Où il va se dire, mais c'est vraiment les meilleurs Top Gun que j'ai jamais vu. Tiens, Top Gun, pas Top Gun, mais les meilleurs pilotes. Tu vois, où on croit qu'il est un loser, en fait il est très fort, tu veux ce truc-là. Ah, tu vas un peu penser au film avec quand il est avocat et qu'on croit que c'est un gros tocard. Et en fait il est très très fort. très bien. Bon, voilà. Bah on débrief après. Insider, ouais. Quoi, t'aimes. Allez. Bien. Bisous. Mario la Rémi, ouais, c'est Rena qui négocie pour savoir comment allonger son fauteuil. C'est pas vrai, je te jure. Marc, on est peut-être pas dans la bonne salle. Attends, mais elle veut voir le film quand même. Je sais pas. Je crois qu'elle est partie sur un autre plan. Je lui ai demandé. Serena, tu fais quoi du coup là? Ça va, ça se passe bien? C'est super, mais t'as un poteau. Tu sais que ça se trouve, on est même pas dans la bonne salle en plus. Ça va être vachement drôle, je pense, ce moment-là. Ah, mais oui, en effet, il y a la fonction rallongée pour les pieds. Non, mais c'est pas possible. Faut pas. Elle y est. Non, mais on est venu voir un film, tu peux lui faire un massage. J'adore, moi. Comment t'as fait? Vous avez un bouton sur les côtés pour le. Oui, mais nous, on n'est pas venu pour le massage, en fait. On est venu pour la bagarre. Ça y est, j'ai trouvé. Putain, mais tu vas pas t'y mettre. Ah, mais tellement. Oh, le confort. C'est encore. Je crois qu'on est sur un abandon pour tout le monde. Les fauteuils ont gagné. Le film, on oublie. J'aimerais bien avoir une tu sais, la relation dont tu as parlé, là, maître, élève. Avec ton fauteuil. Avec ce fauteuil, ça marche. J'oublie action. Je crois que je vais le demander en mariage. Ça va, Serena? C'est super. Il y a plein de bananos et je mange tous les pop-corns. Ça va plus. En plus, t'as un fauteuil de bâtard. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas un peu abusé que cette tablette ne soit pas en marbre? Il faut que tu allonges tes pieds, tu seras mieux. J'ai un peu allongé juste pour la circulation. Je vais faire de la ASMR de popcorn. Peut-être qu'on pourrait développer le podcast comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais faire de la ASMR de fauteuil aussi. Pas sûr que ça marche. Vous avez fait votre selfie devant l'affiche? Non, on l'a pris en speed parce que ça a défilé trop vite. Eh oui. Puis c'est tout petit, c'est nul. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas les sucettes. Bah, je crois que j'en ai vu. Non, il y en a une à la place, à l'angle de la place. On fera une photo. Donc je suis Julien, le mari d'Amélie. Si on n'est pas déçu, on va voir le seum. Amélie travaillait déjà chez Lidl il y a quelques années. Elle a quitté ce premier poste. Ah, tu mets une pub sur Center Park avec une petite biche qui bosse dans le dos. Ça, ce serait de l'immersion. Plutôt qu'un vieux son dégueulasse de boîte. Ah ouais. Ils savent plus faire les publicités. Ouais, c'est un moment, faudrait proposer ça. Je vais refaire le point avec Serena, voir si ça va. Serena, tu dors? Ah, j'ai trois fois sur la Gascogne. C'est trop bien. T'as calé tes vacances au Center Park, c'est bon? C'est de la. Et je bois du Coca-Cola. Bah ouais. Donne toutes vos peurs. Peut-être ça marche bien quand même. Dès que t'as un bon fauteuil, les pubs. La fusion. Et vous rappelez-vous de cette image? Découvrez-la en Dolby Vision. Car ce que vous pensiez être noir ne l'était pas. Voici du noir. Wow. Voici du contraste qui révèle les détails les plus subtils que vous ayez vus à l'écran jusqu'à présent. Voici la luminosité qui est la différence entre du blanc et de l'énergie pure. Une énergie qui s'apprête à dévoiler une palette de couleurs que vous n'avez jamais vue au cinéma. sur d'excitation, ça, Serena? Hein? Est-ce qu'on est sur d'excitation? Bah grave, moi je mets... Mais... Pardon, j'ai encore du popcorn dans la gorge. Bah si, j'ai bien aimé. On je trouve que ça donnait toutes les... tout ce qu'on voulait. Ouais, ce qu'on avait dit. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. T'as voulu de l'émotion, on a voulu un c'est hommage à Gouze. Je pense ah, que c'est... ouais, ça va. Les ennemis, on est servi. Ouais, on savait qu'on aurait maître pas. Maître élève. Enfin, à fond. Parfait. Ah ouais. Voilà. Romain, qu'est-ce que t'as pensé, toi? On a eu tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais du coup, j'ai trop eu ce que je pouvais imaginer. Beaucoup trop. Du coup, beaucoup trop. Quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, ça va pas. Ah, c'est trop. Ah. C'est trop. Arrêtez, s'il vous plaît, trop. J'avais pensé à ça aussi. Oh non, ils l'ont fait. Oh, j'avais pensé à une fin. Oh non, ils l'ont fait. C'est vrai qu'il y a un peu ce. Ah ouais, c'est un peu le symptôme de. On a tout mis. Ah ouais, mais tout, tu sais, c'est du ouais, bon c'est... gamer. Ah, mais c'est ça, tu veux faire mieux. Mais oui, quand même. Ah, oh, mais oui, oh là, ça faisait longtemps. Ah, ouais. Voilà, moi, je vraiment. J'ai hanté entre ça, le truc de ah ouais, quand même, oh lourd, et en même temps, oh non, non. C'est pas un petit peu trop, vous amenez pas un peu trop loin là quand même. Voilà, ça commence à se voir. Oui, mais c'était ouais. Juste à la toute fin, je dis ah, ouais, la toute la ouais, fin, ah, Madame oui. Porsche. Ah, bah ouais, mais ça, c'est juste alors, ça, c'est la signature. Le reste pour moi, ça passait. Ah, après, t'as, si t'as là, quand même la fin un peu Mission Impossible, oui. Mais bon. Un peu quand même. Bah oui. Ils auront être fini, c'est bon. Oui, sauvetage, c'est merci. Oh non, on a pas couru beaucoup. Ouais. Il le fallait quand même le plan, ce que je me suis dit. Le plan où il court, il le fallait. Ouais, c'est trop bien. Quand même. Voilà. Boris, qu'est-ce que t'as à penser toi? Moi j'ai mangé trop de popcorn. Ça m'a filé à la migraine. Et je me rappelais plus du premier alors. J'ai plein de surprises. Du coup, c'est ça qui est cool quand tu te. Je pensais que ça avait inventé un épisode intermédiaire, virtuel. Ah, mais là ouais, c'est trop bien. Qu'ils avaient même refilmé des scènes virtuelles. Je trouvais ça trop bien fait. Quoi. Ouais. Donc, découverte, grande découverte. T'as découvert deux films en un. Non, il faudrait, ouais, il faudrait voir les premiers, quoi. Je sais pas. Non, peut-être pas. Vous saviez qu'ils allaient faire rejouer Val Kilmer dedans? Bah, moi je l'avais entendu. J'avais entendu, ah, mais j'étais pas sûr 100%. Parce qu'avec le teaser de son film, enfin de son biopic là, ouais, où il t'explique que bon, clairement il peut plus parler, j'étais là, non, ouais, non, ah ben ouais, carrément, c'est. Ouais, c'est bien. C'est beau. Ouais, son personnage. C'est très beau. Moi il y a un truc qui m'a dérangé dans le film, un truc, c'est les longues focales. Il y en a beaucoup trop. Tu sais, les plans où en fait tous les personnages sont ultra détachés des décors. Et il y en a beaucoup trop, tout le temps. Tu sais, vraiment, c'est que des plans sur les. Oh bah t'as vraiment, ça ou alors t'as tout. Les plans cockpit. Voilà. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est. Du coup, t'as pas d'air. En fait, tu sais, pourtant, t'es quand même dans un truc où c'est des grands espaces. Et en fait, j'ai eu au bout d'un moment la sensation d'être tout le temps collé au personnage, tu vois, vraiment, mais trop près, tout en détail et tout. Alors, c'est une manière de faire, mais ça fait un peu. Ça me faisait penser, je sais pas. J'ai plus les trucs de. Putain, les trucs d'homicide américain là, qui étaient produits par Bruckheimer, justement là. Ah, CSI. Les trucs comme ça là. Les experts. Les experts, ça, c'est vraiment où t'as. Des super décors, mais en fait une super lumière, le coucher de soleil et tout, mais tu vois vraiment que la gueule de la personne, quoi. Derrière, c'est que des taches. Ah ouais, tu joues l'acteur. Ah, c'est que l'acteur, voilà, tu sais. Après, ils ont laissé pas mal de rides à Tom Cruise, je me suis fait cette réflexion, du fait de ce dispositif. C'est vrai. Ils ont quand même. Mais ça fait un moment que. T'as l'impression qu'ils s'en foutent un peu de ça maintenant, de paraître plus vieux. Même s'il fait encore jeune pour son âge, mais je vois bien que maintenant il faut le jouer en fait, il joue vachement le truc. Ouais. Hein. Mais bon, pas au niveau des vœux quand même, hein. On est d'accord. Hein. Non. Pas au niveau des. Pas au niveau des cheveux quoi. Ah, cheveux vrais ou pas vrais? Ah bah c'est les cheveux, c'est t'as des points. Ah tu dis que c'est faux. Ah bah les cheveux, bah, c'est vrai. Ils sont temps, mais. Bah oui, voilà, tu sais, il veut jouer. Ah oui. Il garde les rides, mais les. Tu vois. Il faut trouver l'équilibre quoi. Faut qu'il fasse vieux mais pas trop vieux, c'est dur. Hein. C'est ça. Là c'était bien sombre ses cheveux, tu vois. Ah, c'est la lumière aussi. Après, ils ont dit, c'est le Dolby Atmos, les noirs que vous ne verrez jamais. Mais c'est moi, ça. Moi, je pense que c'est le Dolby qui a fait les cheveux noirs. C'est ça. C'est pas une teinture. Par contre, ça va être cool, le Dolby. Ah, les petits décollages, ça pique les fesses, comme on dit. Moi, j'ai des petits guillis. J'ai bien aimé. Ah ouais. Mais même les trucs rapprochés dans les cockpits, là, l'espèce d'angoisse. quand il pouvait plus bouger son cou là, putain, mais moi t'avais toute la salle en silence. On était 200 personnes. Franchement, ça te. Bon, moi je trouve que la façon de filmer, du coup, ça t'étonnait vraiment dans les trucs, t'étais un peu claustrophobique. Ah oui, mais sur ces moments-là, je trouve ça nickel. Et moi, c'est les moments des discussions en plus, hein, où ça me dérange. C'est les moments de discussion. Et est-ce que Tom Cruise a volé dans un jet? Moi, je veux savoir ça. Faut regarder les anecdotes. Ouais, il faudrait que tu regardes les anecdotes. Mais franchement, je vois pas comment il pourrait apprendre à piloter un jet. Ne serait-ce qu'au passager déjà. Ouais. Et puis je sais pas si à 60 piges t'as trop autorisé à monter dans un jet en fait. T'as peut-être 2-3 risques. Ouais. Je pense que là l'assurance ça va faire bouf. Vous êtes sûr monsieur Cruz? Comme un vieux doute. Mais même passager c'est quand même chaud. Enfin, t'es passager dans un jet, tu fais des trucs. Après, tu vois, il n'y a que 2 places et a priori les 2 ça sert quand même. Pas obligé d'être à en vrai, je pense qu'il a été dedans. Peut-être qu'il est à 200. Oui. Tout il fait le tour de la piste. Non, mais il fait un créneau. Dans un jet, Il a été dedans, ils ont adapté les avions et tout pour pouvoir filmer et tout dedans avec les. C'est vrai. Sérieux? Tentative de lançage de rumeurs, j'ai l'impression. Je pense que c'est vrai parce qu'ils le disent. Si je me trompe pas, ils le disent dans la vidéo. Moi aussi, j'ai un vieil. Je vais regarder Top Gun. Mais attention, ma mémoire. Moi, je dirais déjà. Tom Cruise était bien dans un jet. Au jet. Non, comment on dit une jet? Oui, on a vérifié. Il était bien dans un jet. Il a pas vomi. Il a pas vomi, c'est le seul comédien qui a pas vomi, déjà. Mais quand tu le vois comme ça, qui galère sur son visage, c'est vraiment vrai. Et oui, ils ont vraiment pris des jets dans la gueule. C'est fou quand même. Des jets. Un peu dangereux, peut-être. Un peu dangereux, mais bon. Il a survécu. Combien de milliards il fera ces films? Ça va faire beaucoup de sous, ça. Déjà, on sait pas combien il a coûté, mais. Il a dû coûter quand même pas mal. Je pense qu'il a coûté plus de 5 millions. Ouais. Mais il va en faire quoi? 400? Ouais, 400 millions, hein. Je pense. Regarde. Il était un peu attendu quand même depuis le temps et tout ça. Mais fait grave, 2 ans qu'il doit sortir. La salle était pleine à l'avant-première. Ouais. Avant on roule la place. C'est quand même ouf, quoi. Des bisous, allez, des bisous les cruisettes.